Chapitre 5e, la loi. À Monsieur Marcel, Greenhouse, Brompton, le 5 juillet. Tu dois trouver que je mets bien du temps à te donner les renseignements que je t'ai promis de demander à Naples. Mais il n'y a pas négligence de ma part, cher ami, sois-en persuadé. Ces renseignements étaient plus difficiles à obtenir que nous ne pensions, et c'est aujourd'hui seulement, après bien des lettres échangées, que je les reçois. Encore ne sont-ils pas parfaitement précis, et laissent-ils trop de lacunes à remplir. Tels qu'ils sont, cependant, ils ont un mérite, c'est d'être sincères et, par ceux qui me les ont transmis, tout à fait dignes de foi. C'est à la suite de la Nicocera, et comme son amant déclaré, qu'il est arrivé à Naples. Si tu le veux bien, je ne désignerai pas autrement le personnage qui nous occupe, et pour tâcher de mettre un peu moins d'embrouillement dans mon récit, j'emploierai cet artifice typographique réservé aux têtes couronnées. Il, lui, avec des lettres capitales. Tu ne dois pas tenir à voir son nom, et l'on ne sait pas qui peut lire cette lettre. Comment était-il devenu son amant, je n'en sais rien. J'ai connu la Nicocera il y a 6 ans. Nous avons chanté une saison ensemble. C'était alors une femme de 27 à 28 ans. Plus de tempérament que de talent, pas du tout d'acquis, mais une voix qui vous fait vibrer les nerfs et vous donne la chair de poule, de la volupté, admirable, exécrable, selon qu'elle est animée, indifférente ou fatiguée. Elle est fatiguée, souvent. Belle fille avec quelque chose d'africain. Bonne fille, bêtasse dans la vie, supérieure, dit-on, dans la passion. Ou, au naturel, elle doit joindre de l'acquis et de l'appris. Ce que je sais, c'est qu'elle a du cœur et de l'honnêteté. Je te conterai un jour comment elle s'est vengée d'un bel moche tout-puissant qui avait fait tuer son amant à Saint-Pétersbourg. Cela l'a fait estimer. Il ne fut pas plutôt à Naples qu'il commença une vraie vie de polichinelle, si bruyante que dans cette ville où l'on sait ce que c'est que le plaisir, il a laissé un souvenir rue de Tolède, dans la rue la plus gaie du monde. On parle encore, me dit-on, de l'amant de la Nicocera. On ne gagne pas à San Carlo ce que l'on gagne à Covent Garden ou à votre opéra. Cette vie ne pouvait pas durer longtemps. Son nom et sa réputation et aussi des amitiés parisiennes lui avaient créé d'autres relations que celles que pouvait lui donner sa qualité d'amant d'une chanteuse à la mode. Le jour, il appartenait au monde du théâtre, le soir au vrai monde. Ce fut dans ce monde qu'il connut la princesse Stipkin. Peu après, il devint son amant. Il ne rompit point avec la Nicocera, mais celle-ci, quoiqu'aveuglée par la passion, ne tarda pas à voir qu'elle était trompée. Je t'ai dit son caractère. Tu peux comprendre comment elle a pris cette tromperie d'un homme qu'elle pouvait regarder comme lui appartenant. Il y eut lutte. Je ne fais point un roman. Je n'ai donc pas à te parler de la situation morale de mes 3 personnages. D'ailleurs, tu peux l'analyser aussi bien que moi. Un beau jour, cependant, il y eut. Le fait, c'est qu'elle se prolongea assez longtemps et qu'il sut se ménager, ces 2 femmes. Un beau jour, cependant, il y eut rupture. Avec la Nicocera, bien entendu, et il s'en alla tout simplement demeurer à la Villa Carusi chez la princesse. Même à Naples, où l'on est assez indulgent par habitude pour les étrangers, la chose parut un peu forte. La princesse était connue, notre homme était plus connu encore, cela fit scandale. Comme tous les scandales, celui-là se serait de lui-même éteint si la Nicocera n'avait pris soin de l'entretenir. Ce n'était pas à son amant qu'elle en voulait, mais à celle qui le lui avait enlevé. Il serait trop long de te raconter tous les mauvais tours qu'elle lui a joués, ce qui lui était facile, car elle avait pour adorateur presque tous les hommes du monde que la princesse recevait ou qui la recevait. Il fallait en rire ou quitter Naples. La princesse n'en jugea point ainsi. Elle voulut au contraire que ce fût la Nicocera qui partit. Tu dois te rappeler quel était le système politique des Bourbons de Naples et comment ils comprenaient la police, comment surtout il la pratiquait. La Nicocera ne faisait pas de politique, mais elle avait un oncle, Matteo Scarpa, qui était l'agent le plus actif des patriotes. Notre personnage connaissait Scarpa, et il savait que lorsque celui-ci venait à Naples, c'était pour se mettre en relation avec les hommes du parti de l'Action. Il savait aussi que plusieurs réunions des chefs de ce parti avaient eu lieu chez la Nicocera. Que se passa-t-il? C'est ce qu'il est assez difficile de savoir dans toute sa vérité. Et il m'est aussi impossible de le dire dans quelques parties qui me sont connues. L'honneur que j'ai d'être frère d'un homme qui a servi la liberté et la patrie m'a permis d'obtenir certaines confidences. Mais précisément, par cela que ce sont des confidences, je ne puis les répéter dans ce qu'elles ont de compromettant. Sache donc qu'une nuit, la Nicocera fut arrêtée et que chez elle, on mit la main sur Scarpa et sur 10 patriotes. Il y eut une dénonciation, mais pas aussi grave cependant qu'on pourrait le supposer. On avait seulement laissé entendre au chef de la police que la Nicocera s'occupait de politique et qu'on ferait bien de l'éloigner de Naples. La police est curieuse, elle avait voulu en savoir davantage. On avait surveillé la Nicocera et au lieu de l'éloigner de Naples, on l'y avait enfermée, arrêtant en même temps ceux qui se trouvaient chez elle, et le lendemain, 150 ou 200 honnêtes gens plus ou moins coupables de conspiration contre le Bourbon. Voilà, je crois, la vérité dégagée de toutes les exagérations qui s'élevèrent dans le premier moment. On avait voulu simplement éloigner une ennemie gênante, et on avait livré à la police tout un parti. Il y eut procès, et l'instruction n'ayant révélé aucune charge contre la Nicocera, d'ailleurs puissamment protégée, on la relâcha, en lui donnant 12 heures pour quitter Naples. Avant de partir, elle alla trouver notre homme et elle l'avertit qu'on le croyait coupable de la dénonciation et que si un seul des patriotes arrêtés était condamné, il pouvait être certain d'être poignardé. Quand on sait combien un coup de couteau coûte peu à un Napolitain, un pareil avertissement donne à réfléchir. Notre homme réfléchit, et d'autant plus sérieusement que la condamnation n'était pas douteuse. Un ennemi politique est toujours coupable, si ce n'est de ceci, c'est de cela, et quand on le tient, on profite de l'occasion. Se placer sous la protection de la police en révélant les menaces, c'était mettre une chance de plus contre soi. Quitter Naples, c'était bien. Mais où aller pour ne pas trouver d'Italien? Dans ces conditions fut inventée la comédie que tu connais. Elle était assez romanesque, cependant possible. Un homme qui travaillait dans les jardins de la princesse affirma qu'il avait vu le seigneur X se mettre à la mer pour prendre un bain, que le seigneur était resté longtemps dans l'eau nageant vers le large et que tout à coup il avait disparu. La princesse se livra à un désespoir très ostensible, se peignit en blanc pendant 8 jours, se vêtit en noir pendant le même espace de temps, et le monde accepta tout naturellement cette mort en la déplorant. Ceux qui avaient intérêt à ce qu'elle ne fût point naturelle se montrèrent moins confiants, et l'absence du cadavre augmenta les soupçons. Mais, comme la princesse restait à Naples, ses soupçons devinrent de jour en jour moins précis, et quand elle partit, 3 mois après l'événement, on ne pensait plus guère qu'il y avait un traître à punir. Comment se douter à Naples que le comte de Coetlao, qui habitait Belgravia avec sa tante, était notre homme? Voilà, mon ami, ce qui s'est passé à Naples, il y a quelques années. Ce qui s'est passé ici depuis ton départ est plus simple et plus clair, quoiqu'étant cependant assez étrange. Il ne tient plus le piano dans le salon de Haymarket où nous l'avons rencontré. Trahi par la jeune fille de Yellow Lion Court, trompé par son beau-père le tipster, qui lui a fait perdre l'argent qu'il n'avait pas, il n'a pas reparu à Londres. À Epsom, après sa double catastrophe, il s'est engagé dans une troupe de musiciens allemands qui étaient venus camper sur la lande pendant les fêtes du derby. Où est-il? Webster lui-même, le terrible Webster, a perdu ses traces. Comment suivre, me disait-il, des gens qui ne couchent nulle part et ne reviennent jamais au gîte? J'ai tardé à t'apprendre cette mauvaise nouvelle, car je voulais te dire en même temps que Webster l'avait retrouvé. Cependant, il a toujours bon espoir, et si la troupe n'a pas déjà quitté l'Angleterre, il se dit certain de mettre la main dessus d'un jour à l'autre. Cet homme est décidément un roman. Quand je pense que l'auteur d'Imogène, le long des grands chemins, exécute lui-même sur la clarinette des airs de valse qu'il a composés, je crois rêver. Un de ces jours, sans doute, il s'associera avec des gypsies, qui sont autrement drôles que ces Allemands. Après tout, la vie sous le ciel libre a ses charmes. Ce que tu crains, toi, c'est que cette vie errante ne le mène en France. Mais de cela, malheureusement, nous ne sommes pas maîtres. Cependant, voici ce que Webster me disait il y a quelques jours, qu'au moyen de conjurer le danger. Ceux qui m'ont chargé de cette affaire, c'est Webster qui parle, auraient intérêt, je crois, à ce que l'individu en question ne restât pas sur le continent. Il dit cela avec cette autorité que tu lui connais, et comme si nous lui avions fait confiance de nos craintes. Ce serait possible, facile même. Après avoir excité ma curiosité par ces quelques mots, il s'arrêta un moment suivant sa tactique habituelle, et ce fut seulement quand il vit que j'allais l'interroger qu'il continua. Le meilleur moyen de s'assurer d'une personne qui nous gêne, c'est de la donner à garder au gouvernement. Il est organisé pour cela, Il a des établissements spéciaux, des gardiens, toute une armée. Voulez-vous le compromettre dans une mauvaise affaire ? Quelle mauvaise affaire ? Est-ce qu'il y a de mauvaises affaires en Angleterre ? Je le voudrais que ce serait impossible. La constitution du Royaume-Uni, pas plus que le caractère de votre personnage, ne se prête à une conspiration. Ceci ne serait bon que sur le continent. Non, j'aurais eu cette idée que mon honneur me l'eût fait repousser. Je n'ai jamais provoqué. Se servir de ce qui existe, je ne comprends et n'admets que cela. Or, dans les affaires du sujet que vous m'avez confié, on trouverait, si on le voulait bien, matière à le faire garder comme je l'indiquais. Il a des dettes et il est sans ressources pour les payer jamais. On pourrait acheter quelques créances sur lui. Oh, à très bon compte, 75 ou 80% de rabais, et le mettre sous clé. On l'aurait ainsi sous la main tout le temps qu'on voudrait dans l'impossibilité de nuire. J'ai vu mourir à la prison de Whitecross Street, à l'âge de 79 ans, un gentleman qui avait été enfermé à 32 ans pour un motif analogue au nôtre. Si on ne voulait pas le faire arrêter préventivement en Angleterre, alors que peut-être il ne pense pas mal, on pourrait se contenter d'acheter en France ou en Italie, obtenir jugement, et le jour où il rentrerait sur le continent avec de mauvaises intentions, le coffrer. Quand on est en guerre, il est bon d'avoir des armes de rechange, même lorsqu'on ne pense pas à s'en servir. Voilà quel fut à peu près son discours. Naturellement, je ne répondis rien, je te le transmets. À toi de décider ce que tu voudras. Réponds-moi aussitôt que possible pour que je donne les instructions à Webster. Je vais aller passer un mois dans le pays de Galles et il faut que tout soit bien convenu avant mon départ. Pour la vie, ton ami, Carlo. Pour Martel, la loi était sinon une ennemie, au moins une fatalité dont les circonstances l'avaient fait victime. Il n'avait jamais pensé que dans sa condition désespérée, elle pourrait un jour lui venir en aide. Elle était la maladie mortelle avec laquelle on est condamné à vivre jusqu'au moment où elle nous emporte, contre laquelle tout remède est d'avance reconnu impuissant et qu'il faut supporter passivement, sans révolte comme sans espérance. La lettre de Seppé lui donna à réfléchir. Il ne songea pas un seul instant à mettre en œuvre l'idée de Webster. Il lui convenait de se défendre, non d'attaquer. Mais puisqu'on avait trouvé un moyen de sortir d'une situation qui lui avait toujours paru sans issue, peut-être pourrait-on en trouver un second. De la loi, il n'avait aucune connaissance positive, mais le sentiment vague que s'en font généralement les gens du monde en y mêlant des idées de justice supérieure prise bien plus dans sa conscience intime que dans la pratique. Ne s'étant jamais occupé d'affaires, la première fois qu'il avait senti sur lui la main de la loi, ça avait été lors de son mariage. On lui avait prouvé qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, que le mariage n'est dissous que par la mort naturelle de l'un des époux et que la femme dont le mari a disparu, même après 10 ans, même après 20 ans d'absence, doit rester dans un éternel veuvage. Un prêtre complaisant avait alors résolu cette impossibilité. Pourquoi ne résoudrait-on pas aussi celle contre laquelle il se débattait maintenant ? Jusqu'à ce jour, il n'avait point essayé de lutter, parce qu'il ne croyait pas à la lutte soutenable. Mais puisqu'un moyen s'offrait pour se défendre alors qu'il ne lui en avait vu aucun, il devait chercher s'il ne serait pas possible d'en trouver un second loyal celui-là et acceptable. Il avait pour ami une des jeunes célébrités du barreau de Paris. Il se décida à lui demander conseil. Pour agir, il ne fallait pas attendre que Maurice fût en France. Favas n'était pas chez lui, il était au palais. Son secrétaire savait peut-être à quelle heure il rentrerait, seulement le secrétaire était en ce moment avec un client, mais il serait bientôt libre. On fit entrer Martel dans une salle d'attente meublée avec un goût et un luxe qui disait que Favas n'était point un avocat de la vieille école poussiéreuse et paperassière. Son talent lui avait fait une réputation. Son amour pour les arts et les artistes, et plus encore ses dettes, l'avaient rendu célèbre dans un certain monde. Il avait fait 2 parts de sa vie. De 5 heures du matin à 6 heures du soir, il était aux affaires, étudiait ses dossiers, écrivait ses plaidoiries, recevait ses clients et plaidait. De 6 heures à minuit, on le rencontrait aux premières représentations dans les foyers des petits théâtres, chez les barons de la finance, aux réunions de jeux des fausses comtesses des Champs-Élysées. Né de parents paysans, il avait reçu d'eux en héritage un long amas de force et de santé qui lui permettait de supporter toutes les fatigues et tous les excès. Un jeune homme, un dossier sur les genoux, attendait déjà. Derrière Martel, un autre jeune homme entra une liasse de papier sous le bras. « Tiens, Manet, » dit celui qui attendait, « j'allais aller à ton étude. As-tu présenté requête dans l'affaire de Brossol ?»« Oui, mon petit, et vous êtes fumé. »« Tu n'étais pas hier au palais ?»« Non. »« Alors tu n'as pas entendu Favas aux assises ?»« Naturellement, il a une belle voix. » Mais pas assez forte encore pour parvenir de la cité à la rue de la Michaudière. Un succès, mon cher, qui lui donnera, s'il le veut, tous les filous intelligents de Paris. Te souviens-tu qu'il y a 4 ans, les diamants de la petite Bouverie ont été volés? Celle des variétés? Oui. Elle était alors au Vaudeville et tout à fait à la mode. Tous les journaux ont parlé du vol. Il y a 4 ans, j'étais à Poitiers. Je ne connaissais pas ces dames. Eh bien, elle habitait à cette époque une jolie petite maison à Nogent, dans le bois, qui lui avait été donné par cette canaille de Joson, qui depuis a fait un fiasco de 3 millions. À la bourse, on dit ce pauvre diable de Joson. Une nuit, note les circonstances, on escalada le mur de bois. Articles 385 et 397. Précisément. Et l'on s'introduisit dans la maison, là, en forçant une porte. Article 396. Effraction intérieure, totale, 10 ans de travaux forcés. On pénétra dans la chambre de la petite Bouverie, laquelle, heureusement pour elle et malheureusement pour la morale, était en ce moment dans un autre lit que le sien, et l'on emporta ces diamants qui valaient plus de 50 000 francs, plus des titres au porteur. Malgré toutes les recherches de la police, on ne trouva pas le coupable. Et c'est il y a 2 mois seulement qu'il a été pincé par le plus grand des hasards. Mais ce hasard n'est pas l'affaire, je te le passe. Favas plaide donc pour le voleur. On avait trouvé chez lui plusieurs des objets volés, le vol n'était pas niable. Aussi Favas n'essaye pas de l'envelopper du moindre doute. Il l'avoue même. Il ne cherche pas davantage à rendre son client intéressant. Il reconnaît que c'est un misérable. Non, c'est un intérêt plus élevé qui lui fait prendre la parole, l'intérêt de la justice et de la loi. L'acte d'accusation s'appuie sur 3 circonstances qui, à ses yeux, constituent le crime. L'escalade, l'effraction, la nuit. Favas commence par prouver qu'il n'y a pas eu d'escalade. Le mur était en réparation. Une brèche avait été faite par les maçons. Les planches qui avaient la prétention de la fermer ne la fermaient pas. Ensuite, il prouve qu'il n'y a pas eu d'effraction. La maison de Mademoiselle Bouverie était neuve. Les bois verts et de mauvaise qualité avaient joué. Le pêne ne tenait pas dans la gâche. La porte s'est ouverte sous la plus légère pression. Ces 2 circonstances écartées restent la nuit. Mais il ne faisait pas nuit. Le voleur a pris à Paris le train de 00h30. Il est arrivé à Vincennes à 1h. De Vincennes à Nogent, il y a 50 ou 55 minutes de marche. À 2h et quelques minutes, il a été rencontré derrière le lac des Minimes par une ronde de garde. L'accusation l'a constaté et a fourni ainsi la preuve qu'il n'a pas pris le chemin direct. Avant de pénétrer dans la maison, il a dû étudier le terrain. On accordera bien pour cela 1/2 heure. On est donc tout près de 3h. Or, à 3h du matin, au mois de juin, il ne fait pas nuit. Il n'y a donc eu dans ce vol ni escalade, ni effraction, ni nuit, c'est-à-dire aucune des circonstances constituant le crime. Il y a un vol, voilà tout, un vol qui doit être puni correctionnellement. Le jury adopte en plein le système développé par ce discours. Seulement, le jury ne connaissait pas un certain article du Code d'instruction criminelle qui dit que les délits de nature à être poursuivis correctionnellement se prescrivent par 3 ans. Si bien que le verdict rendu, comme le vol remontait à 4 ans, notre homme se trouva hors d'atteinte. Et ça, c'est joli. Parbleu, se dit Martel, après avoir écouté cette histoire, c'est bien le diable, si un homme aussi habile ne trouve pas moyen de me tirer d'embarras, puisqu'il rend les coupables blancs comme l'agneau, que ne fera-t-il pour les innocents? Cependant, il se sentait peu édifié, et ses idées sur la justice commençaient à être singulièrement troublées. Quand Favas, en rentrant, aperçut Martel, il vint à lui les bras ouverts. « Mon cher Favas, dit Martel, je m'adresse à vous dans des circonstances extrêmement sérieuses, désespérées même, et en faisant appel à votre talent qui, je le crains bien, va se trouver en face de l'impossible, je vous demande une discrétion absolue. Quand vous m'aurez entendu, vous comprendrez de quelle importance est pour moi cette discrétion, et vous me pardonnerez d'avoir prononcé ce mot. » Il raconta alors sa longue passion pour Armande, la mort de Maurice à Naples, leur mariage célébré en Sicile, parce que l'absence d'un acte de décès régulier le rendait impossible en France. Enfin, leur établissement au Plessis où leur vie, faite des félicités de l'amour et de la famille, avait été si heureuse et si belle jusqu'au jour où l'était arrivée la terrible nouvelle que Maurice était vivant. puis il dit comment il était parti pour Londres afin de s'assurer de la vérité de cette résurrection à laquelle il ne pouvait croire, comment il avait vu Maurice de ses propres yeux, dans quel état. Favas écouta cette longue histoire sans interrompre une seule fois, sans un seul geste, la tête appuyée dans une de ses mains, les yeux baissés, et ce fut seulement quand Martel se fut arrêté qu'il le regarda. « Et maintenant, dit-il, quelle est légalement notre situation? Qu'avons-nous à craindre, ma femme, mon fils et moi? Quels moyens avons-nous d'assurer notre vie ou de la défendre? Voilà ce que je viens vous demander, car, heureusement dans notre malheur, aucun danger ne nous menace aujourd'hui. Mais la journée de demain n'est pas entre nos mains. Elle est entre celle de Berthaud. S'il nous attaque armé de la loi, quel secours, nous, trouverons-nous dans la loi? Avant de vous répondre, une question, je vous prie, précisons bien. Vous vous êtes marié, n'est-ce pas, en Sicile, devant un prêtre? Votre mariage a-t-il été précédé de publications faites en France? L'acte de célébration a-t-il été, au désir de l'article 171, transcrit, lors de votre retour en France, sur le registre public des mariages du lieu de votre domicile? Non, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes pas occupé de ces formalités. Nous marions en Sicile, nous nous sommes conformés à ce que le prêtre sicilien a exigé, rien de plus, rien de moins. Alors, aux yeux de la loi française, vous n'êtes pas marié. Et dans les conditions où vous vous trouvez maintenant, c'est pour vous un grand bonheur. Au moins, vous échappez à une action en bigamie. Or, outre que la bigamie est punie d'une pénalité rigoureuse, elle est en plus pour le monde entourée d'un certain ridicule. Séduisez une femme adorée de son mari, adorant ses enfants, accomplissez cette séduction dans les conditions les plus révoltantes. S'il y a condamnation pour adultère, le monde sera très indulgent pour les condamner. S'il ne les excuse point, il les plaindra. Il ne plaindra pas, il n'excusera pas l'homme ou la femme qui, déjà mariés, se sont mariés une seconde fois. Même si ce mariage a eu lieu dans les conditions les plus honnêtes, les plus innocentes, comme cela s'est fait pour vous, il rira d'eux. Ce n'est pas le monde que je redoute, mais la loi. Voilà donc un danger écarté précisément par la loi. Seulement, il n'est pas le seul. Si Berthaud rentre en France, et s'il veut attaquer l'armée de la loi, comme vous dites, bien des moyens s'offrent à lui. Mais est-il probable qu'il veuille employer un seul de ces moyens? Je ne le crois pas. S'il a abandonné sa femme, c'est qu'il ne l'aimait plus. S'il a voulu disparaître et changer de nom, c'est qu'il y avait sans doute intérêt. Pourquoi supposer qu'aujourd'hui, il veuille reprendre sa femme? Dans quel intérêt braverait-il le ridicule de sa résurrection lorsque son suicide a été si éclatant? Madame Martel est sans fortune, je crois. Depuis le départ de Berthaud, elle n'a pas fait d'héritage. Non, et je ne lui en vois pas venir. Pécuniairement, Berthaud n'a donc aucun intérêt à redevenir chef d'une communauté qui ne lui donnerait pas un maniement d'argent. Qu'il revienne, mon Dieu, c'est possible, tout est possible. Mais qu'il veuille faire parler la loi, je vous le répète que je n'y crois pas. Et l'absence d'intérêt que je démontre appuie fortement mon opinion. Non, s'il revient, il acceptera sa position qui, après tout, est bien commune dans le monde. Il fera comme d'autres maris ont fait avant lui, il se taira. Et s'il parle, si un intérêt que nous ne pouvons pas prévoir aujourd'hui, mais qui peut naître, le pousse, si sa haine contre moi l'entraîne, ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? Il peut faire enlever sa femme de chez vous par la gendarmerie. Il peut requérir un commissaire de police de constater le flagrant délit. Vous intentez un procès en adultère. Vous traînez à l'audience, vous faire condamner tous deux à un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Il peut entrer chez vous, la tuer sous vos yeux, vous tuer vous-même. Il peut tout. La loi en fait votre accusateur, votre juge et votre exécuteur. Mais est-il possible qu'un honnête homme... Il n'est pas un honnête homme. Est-il possible qu'un homme qui a eu un nom... une réputation, de l'honneur, se servent de pareilles armes. Voilà ce qu'il peut contre nous, n'est-ce pas? De notre côté, que pouvons-nous? Je ne dis pas contre lui, mais pour nous-mêmes. Car tout ce que vous venez de me dire, je le savais à peu près, ou le sentais d'instinct. Tandis que ce que je ne sais pas, et ne vois nullement, c'est ce qui peut nous protéger. Et c'est là ce que je demande à votre habileté, en même temps qu'à votre amitié. Amitié et habileté sont hélas en défaut. Vous êtes entre ses mains pieds et poings liés, car pour la loi vous êtes des coupables, et elle a tout prévu contre vous, rien pour vous. Ainsi, un mari peut réduire sa femme à la misère, l'abandonner, disparaître, mourir à l'étranger, et la loi ne prévoit rien en faveur de cette femme qui doit rester à jamais veuve sans être veuve. La loi prévoit que le mari peut revenir. Le mariage n'est dissous que par l'amour naturel bien prouvé, jamais par l'absence, si longue qu'elle soit. Et vous voyez que dans le cas présent, la loi est sage, puisque ce mari qu'on croyait mort a pu reparaître. Vous trouvez que la loi était sage de sauvegarder les droits de ce mari indigne et misérable, qui a voulu se soustraire à toutes les obligations du mariage, qu'il a déserté, déshonoré, et ceux de la femme ne méritaient donc aucune considération. Il faut qu'elle attende. Attendre quoi? Qu'il revienne? S'il ne revient pas, soit parce qu'il est bien mort, soit parce qu'il ne lui plaît pas de revenir, elle l'attendra donc éternellement. Les joies de l'amour, celles de la maternité, lui sont défendues par la prévoyance de la loi. Elle vivra seule. Qu'on soit fidèle jusqu'à la mort au mari qu'on aimait et qu'on perd, rien de plus grand et de plus noble. Oui, je le crois, l'amour peut vivre de souvenirs. Mais fidèle à l'homme qui vous abandonne après avoir fait couler toutes les larmes que des yeux peuvent verser, allons donc. Fidèle à quoi, d'ailleurs? Est-il mort? Est-il vivant? Et s'il ne peut pas garder cette fidélité que la loi lui impose, si elle est jeune, si son cœur l'entraîne, elle sera une femme adultère. Ses enfants seront des adultérins. Elle et eux seront hors la loi. Mais qui donc a fait cette loi? Des hommes qui, au-dessus de l'individu, ont placé les institutions. Au-dessus du mari ou de la femme, si intéressante qu'il puisse être, le mariage plus intéressant encore. Vous savez l'axiome du palais. Dura lex, sed lex, il faut la supporter. Et je ne veux pas me révolter contre elle, je ne veux même pas me plaindre, cependant. Plus large et plus prévoyante, combien elle serait plus intelligente et plus morale. Voici sa fille, l'enfant de son mari, qui au lieu d'entrer dans une famille régulière, sera élevée par l'amant de sa mère. Voici un ménage, le nôtre, méprisable pour le monde. D'un côté, des innocents dignes d'intérêt, il me semble, de l'autre, un coupable. Qui est protégé. Martel reprit le chemin du Plessis, plus inquiet, plus troublé que lorsqu'il était arrivé le matin. Il en était de lui comme d'un homme qui, malade depuis longtemps, s'est décidé à consulter un médecin. Aux symptômes qui parlaient, on avait toujours trouvé quelque chose à opposer. L'enrouement continu, l'amaigrissement, les sueurs. Ce n'étaient point les signes d'une maladie de poitrine. Une tumeur sur le trajet d'une artère avec des pulsations. Ce n'était point l'indice d'un anévrisme. On a tant de raisons pour ne pas se rendre à l'évidence et se faire illusion. La peur est si ingénieuse à se rassurer. La science a parlé, il faut admettre qu'on va mourir. Il faut malgré tout la croire. Les symptômes étaient vrais. Les illusions étaient des illusions. L'enrouement, l'amaigrissement, l'affaiblissement, les sueurs indiquent une consomption et non une faiblesse accidentelle. Il faut mourir. Pour lui aussi, la science venait de parler. Jusque-là, il avait pu se dire que si le danger arrivait, on aviserait. Maintenant, il savait qu'il n'y avait pas à aviser, mais à se résigner. Le danger arriverait-il? C'était là, désormais, l'inconnu. Mais qu'il arrivât, que deviendrait Armande? Que deviendrait Julien? Il n'osait se poser ces questions, et lorsqu'il le voulait, il ne pouvait les examiner jusqu'au bout. Il n'était pas maître de son attention, et lorsqu'il essayait de s'arrêter à une idée, une autre, malgré lui, l'emportait aussitôt capricieusement. Elle passait dans sa tête comme des vagues qui, frappant sur un rocher, alternativement l'engloutissent sous des montagnes d'eau et le laissent à sec. Alternativement, son cerveau s'emplissait à éclater sous un afflux de pensées. Puis tout à coup, elle se retirait irrésistiblement comme elles étaient venues et brusquement le laissait vide. Sans s'en rendre compte, il pressait son cheval ruisselant de sueur et machinalement, il regardait défiler le long de la route les rangées d'ormes poudreux, au loin les moissons dans la plaine et les groupes de maisons entourées d'arbres, de jardins. Et les ormes, les moissons, les maisons qu'il dépassait rapidement échappaient à ses yeux comme les idées à son esprit. Quoique la campagne fût déserte, il lui semblait entendre une chanson, depuis Paris toujours la même. Dans cette chanson, toujours le même couplet. Un couplet qu'un soir, en se promenant avec Armande, ils avaient entendu, auquel ils n'avaient jamais pensé depuis, qui maintenant lui revenait distinct et s'imposait à son oreille. Cette réponse, qui se fait remarquer par sa grande simplicité, vous prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux.